celui-là est fatigué de ne rien faire. Pourtant je travaille à être roi et à vous diriger mes frères. Les jours se suivent et je rassemble tant d'opulence autour de moi. La terre est bleue comme une orange, sanguine à portée de mes doigts. Je suis né si providentiel, vous avez tous besoin de moi pour vous guider vers le soleil. Ma vie est un précieux diadème qui illumine et qui éclaire le monde à chacun de mes pas. Après moi, le déluge et la mort. Le destin ne croit plus en son sort. Moi, je m'en lave les mains à l'eau de Javel et vos yeux demandent vers le ciel. Oasis dans mon langage, mais ce ne sont que des visions. De grands déserts, de blancs mirages, pour vous amener les clés d'illusions. Je suis celui à qui revient le droit de tout appartenir, et vos enfants main dans la main seront mes 6 000 ans martyrs. Je suis l'alpha et l'oméga, la source claire et luxuriante. J'ai détrôné l'homme sur la croix. Ma vie je la passe à vous trahir, à vous leurrer, à vous maudire. Amis, mes frères, croyez en moi. Après moi, le déluge et la mort. Le destin ne croit plus en son sort. Moi je m'en lave les mains à l'eau de Javel et vos yeux demandent vers le ciel. Sur ma tombe on écrira: le roi est mort, vive le roi qui s'est donné sans rien compter. Et quand la mort me sourira, j'emporterai dans l'au-delà tous mes trésors d'Ali Baba. Après moi le déluge et la mort. Personne ne croit plus en son sort. Moi je m'en lave les mains à l'eau de Javel et vos yeux demandent vers le ciel. Après moi, le déluge et la mort. Le destin ne croit plus en son sort. Moi, je m'en lave les mains à l'eau de Javel et vos yeux demandent vers le ciel.